Il est 18h sur CKRL au 89.1. Vous écoutez Futur Simple et on va laisser les diamants, des minéraux, on va passer aux minerais, puis on va passer à l'uranium pour arriver à l'énergie nucléaire. C'est d'ailleurs tout à fait d'actualité avec la fermeture annoncée de Gentilly 2. Outre les considérations économiques de cette fermeture, il n'est pas toujours aisé de se faire une idée des dangers ou non que représente cette forme d'énergie et on imagine encore moins toutes les applications de cette forme d'énergie surtout. Alors pour démystifier le nucléaire, il y a un physicien concept. L'auteur de ce livre est Marcel Lacroix et il est avec nous au bout du fil. Bonjour Monsieur Lacroix. Bonsoir Madame. Alors vous êtes physicien à l'université de Sherbrooke, mais la physique c'est quand même un domaine assez vaste. Alors j'ai envie en quelques mots que vous nous disiez quelle est votre spécialité. Alors ma spécialité au départ est la physique, mais ensuite j'ai fait un doctorat en génie nucléaire. Et la différence entre la physique et le génie nucléaire, je dirais que la physique nucléaire nous amène jusqu'aux réactions nucléaires, alors que l'ingénierie nucléaire nous permet de concevoir des machines, des systèmes ou des dispositifs qui exploitent ce phénomène de réaction nucléaire pour produire de l'électricité, des salés l'eau, produire des radioisotopes, stériliser certaines matières, pasteuriser d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, en fait, vous allez vers les applications, les utilisations de cette forme d'énergie. Exactement. C'est le rôle d'un ingénieur, c'est de concevoir des machines qui nous rendent la vie plus agréable. D'accord. Donc autant dire que finalement, par vos travaux de recherche, vous baignez dans l'énergie nucléaire, dans le génie nucléaire. Et quand vous écrivez ce livre, vous êtes en terrain familier. Ah, tout à fait. Et avec ce livre, vous adressez à la population en général, contrairement peut-être aux travaux que vous faites habituellement où vous adressez à des scientifiques, à d'autres ingénieurs. Donc là, dans ce livre, il s'agit d'un livre de vulgarisation. Vous vous adressez à la population en général. Qu'est-ce qui motive ce travail de vulgarisation? D'autant plus que ce n'est pas la première fois que vous écrivez un livre de vulgarisation. Non, vous avez raison, ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui motive? Ben, je crois que ce sont les événements de Fukushima de l'an dernier. J'ai été beaucoup sollicité dans les médias et puis je me suis rapidement rendu compte que le nucléaire est une technologie qui est largement incomprise, d'une part, et d'autre part, elle est injustement décriée. Et donc, à force de répondre aux questions des journalistes, des reporters, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas coucher sur papier la technologie nucléaire et puis prendre le temps de bien expliquer les choses pour la démystifier, pour démystifier finalement. Démystifier finalement, pourquoi faut-il démystifier? À cause de certaines connotations négatives qu'on a de cette... Je pense que c'est plus profond que ça. J'ai quand même fait une analyse plus approfondie et je crois que, vous savez, il y a quand même un certain nombre de technologies que nous connaissons bien, que nous prenons pour acquises. Par exemple, ça fait quand même 500 000 ans que nous avons découvert le feu. Hein? L'Homo erectus a découvert le feu il y a 500 000 ans. Et depuis, nous avons inventé diverses machines qui nous permettent justement de transformer le feu en du travail utile, en électricité, ainsi de suite. Par exemple, il y a plus d'un milliard de véhicules automobiles sur la planète qui fonctionnent avec un moteur à combustion interne, et donc c'est à partir de la conversion du feu en travail mécanique. Et puis, au fil des années, on a découvert l'énergie éolienne, par exemple. Hein. Ça a permis de découvrir, par exemple, l'Amérique. On a découvert la roue hydraulique, ou je devrais plutôt dire, on a inventé la roue hydraulique il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, les roues hydrauliques sont devenues des turbines hydrauliques avec lesquelles on produit l'électricité. Alors que l'énergie nucléaire, c'est une découverte et une invention qui ne date que de quelques décennies seulement. Et donc, c'est tout nouveau. Et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être mystérieux et ça nous, comment dirais-je, on s'en méfie. Exactement. Et pour démystifier, il faut aussi que ce soit accessible, que les lecteurs comprennent. Donc, à qui s'adresse le livre? Comment vous avez rendu le contenu facilement compréhensible? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des schémas, des exemples, ou est-ce qu'il faut forcément avoir une maîtrise en physique pour comprendre votre livre? Comment vous avez fait pour rendre le contenu accessible? Vous savez, j'ai un bon entraînement. À chaque année, j'accueille 150 nouveaux étudiants en ingénierie à l'Université de Sherbrooke. Et lorsque vous êtes confronté à 150 nouveaux étudiants qui ont entre 18 et 20 ans, il faut garder l'attention dans un amphithéâtre. Mmh, c'est vrai. Et la meilleure façon, ben, c'est de leur donner plein de trucs qui concernent leur vie au quotidien. Et donc, j'ai pas vraiment de mérite. J'ai quand même 25 ans de bouteilles pour écrire le livre. Donc voilà, ça a été facile de coucher tout ça sur papier. Donc là, finalement, dans votre livre, j'imagine que vous avez des... Vous commencez par expliquer ce que c'est que l'énergie nucléaire, puis comment on utilise cette énergie, aussi, bon, comment fonctionne un réacteur nucléaire. Tout ça, c'est des choses que vous abordez dans votre livre pour démystifier? Oui, tout à fait. C'est abordé dans un chapitre où j'explique, je commence le livre en expliquant la radioactivité, qu'est-ce que c'est, d'où provient-elle et quel est son effet. Et ensuite, j'aborde dans un chapitre les réacteurs nucléaires, comment fonctionnent-ils, et je les compare aux réacteurs chimiques qu'on utilise, par exemple le charbon ou le gaz naturel, mm-hmm. et quels sont, bon, voilà, la technologie. Et à quoi servent-ils? Ben, ils servent, par exemple, à produire de l'électricité, oui, mais de plus en plus à dessaler l'eau de mer. Mm-hmm. Parce que vous savez, l'eau potable dans le monde est devenue une ressource naturelle de plus en plus convoitée, et donc on utilise les réacteurs nucléaires pour dessaler l'eau de mer. Et ensuite, je passe un autre chapitre où je montre les mille et une applications du nucléaire dans le quotidien. Oui, c'est ça. C'est là-dessus que je voulais vous entraîner, justement, parce qu'on découvre plein d'applications inattendues, puis vraiment qui sont dans notre quotidien. Alors, donnez-nous quelques exemples, s'il vous plaît. Bien, par exemple, dans toutes les maisons maintenant, c'est obligatoire, c'est la loi, nous avons un détecteur de fumée. Et ce détecteur de fumée fonctionne avec une source radioactive qui provient des déchets de combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires. Mm-hmm. Et c'est dans notre détecteur donc de fumée, et voilà, c'est obligatoire. Si, je ne sais pas, moi, vous utilisez, vous savez, les petits bandages pour mettre sur un bobo, ou encore les bâtons, les cotons ouatés que vous utilisez pour vous nettoyer les oreilles, eh bien, ils ont été stérilisés par irradiation nucléaire. Les emballages plastifiés que vous utilisez maintenant, enfin que lorsque vous avez un produit, là, c'est très difficile à casser, eh ben, on les a rendus beaucoup plus résistants en les irradiant. Ah oui, les plastiques, les fameux emballages qu'on n'est jamais capable de défaire des mains, voilà, des ciseaux ou une scie quasiment pour passer au travers. Vous avez tout à fait raison. Et c'est agaçant, je l'admets. je ne sais pas, moi, d'autres applications. Par exemple, il y a bien des aliments au Canada qui, pour éviter de mettre des produits chimiques pour les conserver, eh bien, on les irradie avant de les mettre, donc les envoyer au centre commercial, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez mis une application. Et puis, bien sûr, tout ce qu'on ne peut pas stériliser à haute température, en général, c'est stérilisé par irradiation nucléaire. Mm-hmm. Et puis, bon, j'imagine qu'il y a toutes les applications médicales aussi. Ah, tout à fait, bien sûr. Alors, je parle de l'utilisation du nucléaire dans le domaine médical. Et il y a même des branches de la médecine qui sont entièrement consacrées à l'effet du rayonnement sur le corps humain. C'est le cas de la radiologie et c'est le cas de la médecine nucléaire, qu'on l'utilise soit pour les diagnostics, mais aussi pour les traitements médicaux. Et encore une fois, à peu près tout ce qui est dans l'hôpital a été stérilisé. Si ce n'est pas fait à haute température, eh bien, ça a été stérilisé à l'aide du rayonnement. Est-ce que, parlant de corps humain, est-ce que vous abordez aussi les cas d'empoisonnement qu'avait subi, je ne sais plus quel espion Oui, alors c'est un espion russe. Et on a vu les images en direct à la télé, et c'était des images insoutenables, bien sûr. Ouais. Il avait été, en fait, empoisonné avec une dose de polonium-210. Et ce que j'explique, le polonium, eh bien, c'est un émetteur. En fait, il émet le même type de radioactivité que vous avez dans le détecteur de fumée à la maison. Ah. Mais sauf qu'il l'a ingéré à son insu, probablement dans une tasse de thé. C'est ce que l'on croit. Mais je conclue en disant que les fumeurs s'intoxiquent aussi au polonium-210, puisque le polonium est un produit de filiation de la désintégration de l'uranium qui se retrouve dans le sol et qui se retrouve sur les feuilles de tabac. Et lorsqu'on fume, eh bien, ce polonium se retrouve dans les poumons. Non seulement se retrouve-t-il dans les poumons, mais en plus, il est plaqué sur les alvéoles des poumons par le goudron dans la cigarette et éventuellement, il passe au rein ou au foie. Il empoisonne graduellement les gens et on retrouve ce polonium dans les urines des fumeurs. Ah oui. Oui, voilà. Donc on voit effectivement que dans votre livre, vous abordez pas juste l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité et bon la centrale nucléaire en tant que telle, mais toute une pléthore d'applications plus ou moins douteuses là, quand il s'agit d'intoxication d'ailleurs. Donc vous embrassez large comme on dit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un autre exemple que la police judiciaire utilise régulièrement l'énergie nucléaire pour élucider certains cas, puisqu'on peut irradier certaines substances et découvrir, par exemple, ou du moins élucider certains meurtres, ainsi de suite. Lorsque vous allez à l'aéroport, eh bien, vos bagages sont bombardés de neutrons et ça permet de détecter des substances illicites qui seraient dans vos bagages, ainsi de suite. Ouais. Mais malgré tout, l'énergie nucléaire fait débat, donc il y a des déchets, on ne sait pas toujours quoi en faire, ou en tout cas, en tant que citoyen ordinaire, on ne sait pas toujours ce que ça devient. Il y a des risques d'accident. Il y a bon le coût peut-être de l'énergie nucléaire, bon faire meurtrir une centrale, etc. Comment vous abordez ce débat dans le livre? J'aborde, il y a un chapitre complet qui est consacré aux risques et aux accidents. Et j'explique bien ce qu'est le risque, comment on définit le risque et comment on peut le maîtriser le risque. Et puis j'aborde bien sûr les trois grands accidents du nucléaire civil qui ont été Three Mile Island aux États-Unis, Tchernobyl et le dernier entre Fukushima. Ouais. Est-ce que ça donne des éléments pour que le lecteur puisse se faire sa propre opinion? Absolument. D'accord. D'ailleurs, la préface de ce livre a été écrite par le docteur François Lemoureux, qui est le président des médecins en médecine nucléaire au Québec. Et une des choses qui m'a fait beaucoup plaisir dans sa préface, c'est qu'il le dit dans la première phrase, ce livre s'adresse à l'intelligence. Et ça résume tout. Donc ça veut dire que vous imposez pas forcément votre vision, etc., mais vous alimentez le lecteur pour qu'il se fasse son idée. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc à la fois le désir de démystifier, d'expliquer et d'outiller le lecteur pour mieux être capable de prendre de se faire une idée, de prendre sa décision. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est le rôle du professeur. Oui, on le retrouve là, effectivement. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lacroix, pour avoir finalement condensé et vulgarisé toutes ces informations dans un livre. Je dois dire que c'est un livre qui fait 200 pages à peu près, qui est quand même illustré. Il y a des tableaux, il y a des schémas, donc ça aide aussi à la compréhension. Et puis, il y a également des anecdotes aussi qu'on retrouve, qui nous parlent, parce que, bon, c'est des choses assez concrètes. Donc c'est un livre qui se lit assez facilement et je rappelle qu'il est paru donc aux éditions Multiconcept. Je vous remercie beaucoup Monsieur Lacroix de nous en avoir parlé. Ah, je vous remercie Madame. Alors voilà, donc on passe après cette explication un petit peu de la peut-être d'avoir donné des goûts de lecture à certains, eh bien on va passer en musique sur CKRL au 89.1.